Aventure amoureutique extraordinaire, littéralement extraordinaire, qui n'est pas selon l'usage ordinaire, selon l'ordre commun. Extraordinaire qui étonne, suscite la surprise ou l'admiration par sa rareté et sa singularité. Il y a de nombreuses années qu'une aventure me surprit par hasard, au détour de liens électroniques inattendus. Je naviguais ici et là sur des sites de lecture où j'avais commis quelques textes. Je reçus un beau jour une sorte de commentaire qui aiguisa mon attention. Je pris contact. Je pris contact et je ne le regrette pas. De fil en aiguille, plus exactement de clavier en plume, une relation s'établit, le plaisir des mots échangés, des pensées confiées. Durant des semaines, voire des mois, des messages, des lettres manuscrites suivies de conversations téléphoniques, parfois étonnantes, tant les diapasons s'accordaient. Tutoiements, voussoiements alternaient selon les humeurs, l'inspiration. Et puis, l'échange de photos, sages et moins sages, rendait évident que, physiquement aussi, le diapason résonnait favorablement. Je saute les étapes, sinon cela va prendre l'aspect d'un mini-roman. L'intimité était intense, parfois brûlante. La dame, appelons-la Sophie, était une provinciale divorcée, habitant une jolie ville de Touraine, à une heure de TGV. Là encore, le hasard s'en est mêlé. C'est dans cette ville que j'avais réalisé une de mes premières mises en scène. Vint le jour où reculer n'était plus possible. Sauter les kilomètres était devenu une évidence. À la date convenue, je saute de très bon matin dans un TGV. Sophie habite dans un charmant petit appartement, agrémenté d'un jardinet tel qu'elle me l'avait décrit. Je ne vois pas le temps du voyage passer, tant mon esprit est tourné vers cette rencontre. Il fait frais, mais le soleil pointe déjà ses rayons. Elle m'avait dit, s'il vous plaît, durant le trajet, ne mangez pas, ne buvez pas, pensez à nous. Quand vous serez près de chez moi, appelez-moi, j'ouvrirai ma porte. Ne cherchez pas à voir où je me cacherai dans ma chambre. Je veux vous observer pénétrer mon chez-moi. Visitez, regardez, fouillez si vous voulez dans mes tiroirs, mettez la hi-fi en marche si cela vous fait envie. Puis vous irez vous asseoir dans mon vieux fauteuil en cuir face à ma bibliothèque et à la cheminée. La demande est originale, étonnante mais plaisante. Je l'appelle donc. Je t'attends, la porte t'est ouverte. Petit immeuble de 3 étages à 10 minutes de la gare. La porte est entrouverte, j'entre directement dans le salon. Tout plein de livres dans des rayonnages qui encadrent une petite cheminée. La porte-fenêtre donne sur le petit jardin où trônent 2 fauteuils en toile. C'est agréablement bordélique. Je regarde les bouquins. J'enlève mon blouson que je pose sur une chaise. Des papiers épars sur un petit bureau. Dans un coin du salon, une grande psyché ovale, probablement assez ancienne. Je m'approche d'une petite cuisine américaine, j'aperçois une cafetière, j'ai très envie d'un café. Une autre porte donne sur la salle de bain, pas très grande. Un grand lavabo, les toilettes, une douche italienne. Ça me donne envie de faire pipi. Mais j'ai surtout envie d'un café, dois-je attendre? L'ambiance est très agréable et correspond à l'idée d'un environnement de femme célibataire. Je vais alors m'asseoir dans ce profond et large fauteuil. Quelques minutes passent. présence derrière moi. Une main glisse dans mes cheveux jusqu'à ma nuque. Puis, deux mains fraîches se posent sur mes yeux, descendent jusqu'à ma bouche, remontent sur mes yeux. Bienvenue chez moi. Je suis tellement heureuse que nous nous rencontrions enfin. Cela m'est timide, mais je suis très exaltée. Merci de vous être prêtée à mon petit scénario. Durant des jours et des semaines, vous m'avez transporté, vous m'avez envahi de désirs, vous m'avez inoculé des envies. Je voulais apprendre à mentir sur mes désirs. Car dès que vous deviniez mes envies, vous me laissiez alangui, puis exaspéré. Elle s'est penchée, la bouche contre mon oreille, les mains posées sur mon torse. Ses cheveux me chatouillent. Je reconnais la sonorité de sa voix, si souvent entendue au téléphone. Je garde les yeux fermés à sa demande. Durant les mêmes jours et semaines, tu ne t'es pas privé d'exalter ma sensualité, mon imagination, en me confiant les fantasmes qui t'habitaient. Sans que j'aie pu discerner s'ils étaient récurrents ou si c'était moi qui te les avais inspirés. N'ouvre pas les yeux, Vladimir, redresse-toi, laisse-moi te quitter. J'ai toujours autant envie de faire pipi d'un café revigorant. Je n'ai pas reçu ma dose habituelle de caféine depuis mon lever. Je me lève donc, je la sens derrière moi, collée à mon dos. Elle pose une étoffe sur mes yeux qu'elle noue soigneusement. Tu as pu me découvrir par les photos, comme moi je t'ai découvert, mais ici, maintenant, j'ai envie que tu sois aveugle, que tu puisses me connaître, me reconnaître par la sensualité de tes mains. Je sens qu'elle se déplace pour se trouver face à moi. Je fais le contour de son corps à l'aveuglette en l'effleurant. Je perçois son parfum. J'ignore comment elle s'est vêtue. Mais le tissu est soyeux, léger. Je devine qu'il est ample. Je sens une ceinture du même tissu. Mes mains se posent sur ses épaules. Les manches sont très ouvertes, me semble-t-il. Je pense à une sorte de kimono. Je glisse le long de son dos, je ne rencontre aucun soutien-gorge. Mes mains sentent qu'elle frissonne. Je m'aperçois qu'elle a déboutonné deux ou trois boutons de ma chemise. Au fait, as-tu apporté le présent parfumé que je t'avais envoyé à ta demande ? Pourquoi poser une question dont tu connais la réponse ? Oui, je l'ai apporté. Laisse donc ma chemise, il n'est pas temps. Où est-il ce présent ? Il est là, là-bas ou ici, dans une poche. Il me permettra de comparer plus tard. Sa respiration est plus rapide, plus profonde, comme si elle voulait maîtriser ses émotions. Je me rapproche d'elle, une main au creux de ses reins. L'autre a glissé sur son ventre. Cherche l'ouverture, je sens sa peau tiède, très douce. Enlève le bandeau que tu m'as mis. Dans la Genèse, il est dit que ce n'est pas bon pour un homme d'être seul, mais quelquefois c'est reposant. A écrit, je crois, ne pas me tromper, Somerset Maugham. Tes mains ne m'ont pas encore exploré. Nous avons si souvent évoqué ces moments, tant et si bien que j'étais dans un état d'une sensualité incroyable. J'aime l'idée que tu prennes ainsi possession de moi, Vladimir, par tes mains audacieuses, par ton regard brûlant, puisque maintenant, je te libère de ce bandeau. Très lentement, doucement, elle libère mes yeux, caressant mon visage, mon nez, mes joues du petit bandeau qui apparaît alors fait du même tissu que son kimono. Je ne m'étais pas trompé. Je me recule légèrement pour mieux la regarder. ses joues roses m'émeuvent. Je trouve dans son regard toute la complicité qui s'est installée entre nous depuis des semaines. Je la prends dans mes bras, me plaçant derrière elle. Je nous place face à ce grand miroir. Je contemple son reflet. Je sens ses frissons lorsque ma main s'incruste entre les pans du kimono. Regardez ma main, Sophie, ma main si impatiente de vous couvrir de douceur et d'audace. Je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir accédé à ma demande en laissant repousser votre toison. Je suis ému que vous ayez accepté de ne plus rester tout épilé. Je m'évertue à ne pas la caresser, simplement laisser ma main pressée sur son pubis. Vous avez bien senti au début que cette demande ne me plaisait pas beaucoup, mais j'ai voulu vous démontrer que j'étais capable d'accéder à certains de vos désirs, tout comme j'ai senti que vous-même étiez prêt à en faire autant. Rappelez-vous, mon ami, un rayon de soleil se reflète dans la psyché. Très joli effet. Je tourne mon regard vers le petit jardin. Malgré l'heure matinale, le soleil est vif. On sent la chaleur monter. Ce qui me ramène à la réalité. Je contemple Sophie dans le miroir. Elle a posé sa main sur la mienne. Je perçois la brillance de ses yeux. Et la pression de ses fesses contre moi me trouble. Je suis réveillé depuis longtemps, Sophie. Je n'ai pris ni café, ni rien du tout, comme tu le voulais. Je n'ai pas pris de douche. Je me suis habillé des vêtements préparés la veille au soir. Il faisait chaud dans le train. Ce serait une très douce attention que tu prépares enfin un bon café, pendant que je prendrai rapidement une douche. Je serais heureuse de t'offrir un café, et bien plus encore. Mais il est hors de question que je te laisse seule, ne serait-ce le temps de prendre une douche. Ah non, Sophie, je te sais espiègle et provocatrice, mais il survient parfois des urgences auxquelles il faut céder. Et par ailleurs, non, Vladimir, tu es chez moi, je suis ton hôtesse. La maîtresse de maison qui se doit de s'occuper de son invité tant attendu. Dis-moi ce que tu attends de moi. Je veux de toi tout ce que toi tu veux de moi. Serions-nous sur la route de l'osmose? Sans doute, tu as sur moi depuis longtemps une profonde influence. Et tu sais que la réciproque est vraie, car si ce n'était pas le cas, oh oui, si ce n'était pas le cas, monsieur, vous n'auriez pas accepté. Je n'ai pas encore tout accepté, madame, pas encore, il est vrai. Elle s'échappe de mes bras, fait une jolie pirouette qui fait voler les pans de son kimono, et va s'asseoir dans le fauteuil que j'occupais. Son léger sourire accompagne un regard scrutateur. Je la regarde croiser ses jambes et attacher ses longs cheveux. Vous vouliez prendre une douche, mon ami. Il vous faut alors vous déshabiller. Faites-le devant moi. Tentez-moi, excitez-moi. Petite hypocrite, tu es déjà excitée, tu ne peux le dissimuler. Ton regard, ta respiration tout à l'heure. Oh, loin de moi le désir de dissimuler mon excitation, Vladimir, au contraire. Depuis que tu m'as appris à ne plus me cacher derrière une pudeur naturelle, j'éprouve un plaisir réel, intense, à revendiquer ce que je ressens au creux de mon être, même si je suis parfois gêné de... Ah non, tu ne dois jamais entre nous te sentir gêné de quoi que ce soit, de ce que tu ressens. Beau parleur, je te reconnais bien là. Toi non plus, tu ne devrais pas être gêné. Et donc, tu ne devrais pas hésiter à te déshabiller pour moi, devant moi. Tu ne devrais pas plus éprouver de la gêne, de la retenue, quand je t'accompagnerai pour la douche que tu désires. Je me rends subitement compte du chemin incroyable que Sophie a parcouru depuis que nous nous sommes croisés. Elle a pris de l'assurance. Elle sait maintenant contourner sa timidité naturelle. Au fond de moi, je suis ravi qu'elle sache qu'elle ait envie de jauger jusqu'où elle peut aller, de me provoquer, d'entrer dans la danse de ce qui a été jusqu'à aujourd'hui, des désirs éthérés, fantasmes littéraires. Et par ailleurs, rien du tout. Non, Vladimir, tu es chez moi. Je suis ton hôtesse, la maîtresse de maison, je te le répète, qui se doit de s'occuper de son